Pia Schönberger. Die Antwort auf die Frage, wo könnte man sich treffen, um über das europäische Gedächtnis zu sprechen, à Vienne un lieu de mémoire européen. Die eigene Beziehung zum europäischen Gedächtnis in Wien zu sprechen, ist eine sehr schwierige. C'est une question très difficile. Man könnte es ein wenig vergleichen mit der Frage, welches. C'est aussi difficile que de choisir un livre susceptible de représenter l'âme européenne des Viennois. Die europäische, die österreichische Seele. Wir können uns unterhalten über Joseph. On pourrait citer la marche de Radetzky de Joseph Roth, Auto da Fe d'Elias Canetti, ou encore die Studelhofstiege de Heinito von Doderan. Führen möchte, Elfriede Jelinek, Die Kinder der Toten. Sans oublier un livre très important à mes yeux, Les enfants des morts d'Elfriede Jelinek, qui dépeint avec tant d'acuité ce mal du siècle autrichien. Unendlichen, aufgestauten Gefühle, tous ces sentiments accumulés, indéfiniment refoulés dans l'âme et dans l'histoire autrichienne. So manifest herausgearbeitet werden. Il est donc aussi difficile de trouver Frage, un livre auf den Ort zu kommen, eine ebenso schwierige que de trouver un lieu. On se trouve au Judenplatz, au centre de Vienne. Dieses Mahnmal von Rachel Whitred stellt ein Zimmer dar. Le monument de béton que vous avez là a été conçu par Rachel Whitred. Aus einem Haus. C'est une œuvre qui représente l'un des nombreux appartements de la place des Juifs. Wird an den Wänden les murs sont tapissés de livres en béton. Nach innen reichen. On ne voit que leurs tranches. Les dos steht, ont été retournés. Portal, aber dieses Portal hat keine. Quand on regarde le monument de face, on voit que la porte de l'appartement n'a pas de poignée. Wir können die Buchrücken nicht lesen. Ce qui signifie que l'on ne peut pas entrer. Comme on ne peut pas non plus lire ce qui est écrit sur le dos des livres. Es handelt sich um ein Mahnmal zum Gedenken an 65.000 ermordete österreichische. Ce monument est dédié à la mémoire des 65 000 Juifs assassinés en Autriche. Sollen die nicht derrière tous ces livres alignés, dont on ne peut pas lire ni le titre ni l'auteur, derrière cette façade anonyme, cette rangée infinie de morts, il y a toutes ces vies, tous ces destins de Juifs assassinés qu'on ne connaîtra jamais. Finden werden. Am Sockel dieses Mahnmals. Sur le socle du monument, l'artiste a gravé les noms des lieux où ces meurtres ont été commis. Diese Ermordungen stattgefunden haben. Und somit erhält c'est ce qui donne à ce monument toute sa dimension européenne, car un grand nombre de pays européens, centre-européens et est-européens ont organisé ces déportations et perpétré ces meurtres. Il suffit de penser à la France avec Drancy, à la Pologne avec Auschwitz, à la Biélorussie avec Mali-Trostenets, à Riga. Minsk, Weißrussland, Mali-Trostenets, denken wir an Riga. Diese Liste ließe sich. La liste n'en finit pas. On peut vraiment. Regardez comment toute l'Europe était affectée par ces événements. Parce que quand on regarde ce Mahnmal, on peut lire beaucoup, beaucoup de noms des lieux où des Juifs européens ont été assassinés par les national-socialistes. Et aussi, très souvent, dans un acte de collaboration avec les autres pays européens qui ont été occupés ou aussi ont collaboré. Alors c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de la mémoire européenne. Oui, naturellement. Also Holocaust, also Shoah, ist kein blinder Fleck in Europa. L'Holocaust, la Shoah, ne sont pas les taches aveugles de la mémoire européenne. Das Fundament, au contraire, auf dem heute ce sont les fondements qui ont servi de base à la construction européenne. Das Versprechen, so etwas darf nie. C'est parce que l'on s'était promis qu'une telle chose ne se reproduirait plus, was damit, qu'on a pu bâtir l'Union européenne. Union geführt hat. Man darf nicht vergessen, il ne faut pas oublier une chose. Sagen wir jetzt Auschwitz, dans un camp comme Auschwitz, qui est le symbole de l'Holocauste, dans un camp d'extermination comme Auschwitz, in einem Konzentrationslager wie Auschwitz, in einem Vernichtungslager wie Auschwitz, il n'existait plus aucune identité nationale.

Et n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, à la fabrique de l'histoire, L'expérience, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.